l'enfer est ici. La vie obsédante et les rêves accomplis, destinée fulgurante aux désirs assouvis. Tant pis, au plus loin d'ici, transi, tout seul je m'enfuis. Les villes lumières aux lueurs éclatantes, couleurs éphémères, mais éblouissantes, oscillent, oscillent.